te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans les yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans les yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. Je te survivrai et tu m'entendras. Je te survivrai quelque part en toi. Je te survivrai au-delà de moi. Je te survivrai. Miroir chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau. Oui, je te survivrai. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. Ouais, je suis sur Jean-Pierre sort. Je suis sur Jean-Pierre sort. Écoutez pas ma version ? Ça mute plus là. Qu'est-ce qu'il fait le synthé derrière ? À bientôt. Bon, Yves. Yves, est-ce que tu es prêt, Yves, pour faire le super solo de synthé ? T'es prêt ? Est-ce que t'es prêt, Yves ? Nous allons faire une version pour Jean-Pierre et c'est toi qui feras le solo de synthé. Ok, on va le refaire. Ouais, t'es prêt ? Parce que j'ai pas trop de temps. Bon, je relance. Viens pas tout de suite, attends un peu. Attends, on a pas commencé le remix. C'est quoi ce bordel? J'ai compris, il y a un problème sur le Jam Tabac. Petit problème sur Jam Tabac, je vais le remettre. J'ai compris ce qui se passe. Déjà, aujourd'hui, ça déconne. On le fait le remix, après on arrête. Bon, on va faire le remix avec Jean-Pierre alors. Tu veux passer la batterie, JP? Oh, j'arrête ma batterie. Remix de Jean-Pierre François avec Jean-Pierre François à la batterie. Tu veux faire la batterie ou je la mets? One, two, three, four. La batterie, parce que ça, ça perdif, donc c'est plus dans les temps. Dans des miroirs chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai. Dans l'hiver et le vent, dans le froid des maisons, dans les sables mouvants, où j'écrirai ton nom, dans la fièvre et le sang, dans les murs des prisons. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Bon, je la refais. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai raté le début, merde. J'ai raté le début. Putain, ça casse la voix cette chanson. Putain, tu chantais vachement aigu. Hein. Je disais. Ouais. Je laisse la batterie, d'accord. Ok. Chinois, dans le bleu des photos, dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai. Dans l'hiver et le vent, dans le froid des maisons, dans les sables mouvants, où j'écrirai ton nom, dans la fièvre et le sang, dans les murs des prisons, je te survivrai. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai. la ville, dans les aéroports, dans les jours difficiles, où je t'aimerai encore, dans les nuits anonymes, où je perdrai mon corps, je te survivrai. Petite pensée pour Didier. Voilà, c'était pour Jean-Pierre. Parce que moi j'aime bien Jean-Pierre. Trop sympa. Jean-Pierre Marielle. Et nous remercions Yves au synthétiseur. Jean-Pierre. Putain, c'était bien Jean-Pierre. Jean-Pierre, je te vois plus sur mon Facebook. Tu t'es barré. Mon drame, voyez-vous, mon cher, c'est que je ne sais pas. J'y vais plus, je me rappelle même plus des mots de passe et tout ça. Ça fait 77 ans que je ne suis pas connecté. pourquoi ça fait ça là? Aujourd'hui c'est le prix des connes. Ça veut pas. La tête dure et la fesse molle, le contraire de ce que je dis. T'as entendu ce qu'il dit? La tête dure et la fesse molle. Mon drame, voyez-vous, mon cher, c'est que je ne sais pas rompre. Ah, je suis envieux à ce petit pont de colle qui n'a pourtant rien d'extraordinaire. La tête dure et la fesse molle, le contraire de ce que j'aime. La tête dure. Are you ready, my friend? I was born to love you with every single bit of my heart. Yes, I was born to take care of you every single day. Alright, I was born to love you with every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day, alright. Well, you are the one for me, and I am the one for you. Every single day of my life, I was born to love you. Yves, c'est la dernière, Yves. La dernière. La dernière.